Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc, vous êtes sur l'émission Tranche d'un Art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis soirs, de 20h30 à 22h. Notre adresse est toujours le 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, comme dirait notre numéro de standard, comme dirait Hatchou, est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Alors ce soir, nous allons avoir des invités qui ne sont pas encore là, mais qui vont bientôt arriver, je pense. Pour nous parler du plein open air qui va avoir lieu à partir du 22 août, je crois, la première séance. Voilà, et donc ils vont nous parler de tout ce qui se passe par rapport au plein open air, les difficultés qu'ils ont eues pour l'organiser, des choses qui ont eu lieu, enfin voilà. Donc on les attend avec impatience. Nous avons également notre ami Axel qui est de nouveau parmi nous, parce qu'il ne vient pas tout le temps maintenant, ouais. Ça dépend de son humeur, mais notre anarchiste ordinaire, il est venu avec quelques disques, ouais. Voilà, et donc on va faire un peu de musique. Ouais. Salut. Et alors on va passer les Rolling Stones, l'album, je sais plus comment il s'appelle. Tiens, Hans va nous le dire parce qu'il parle anglais mieux que moi. Moi, je suis une vache espagnole. Bah, c'est There's Satanic Majesty's Request, donc les requêtes de Sa Majesté le Satan. Voilà. C'est normal pour une émission anarchiste. Je ne sais pas quelle chanson qu'on va passer, mais... La première. Sing This All Together. Ben, ce soir, nous avons des invités du Cinéma Nova qui vont nous parler du plein open air qui commence mercredi prochain, le 22. Mais on voudrait juste un peu témoigner de la manif qui vient d'avoir lieu devant le Mannequin Piece. C'était assez impressionnant. Les deux rues qui font le carrefour devant le Mannequin Piece étaient remplies. Il y avait une chouette atmosphère. Bon, c'était très difficile d'entendre des discours, etc. Parce que voilà, c'est un lieu qui ne se prête pas forcément à des grands rassemblements de foule. Mais c'était important d'être là. Il y avait beaucoup de gens d'abord très différents. Il y avait des jeunes très engagés ou des jeunes radicaux. Puis comme il y avait vraiment de tout. Et en plus, il y avait les touristes qui étaient curieux, qui ne savaient pas ce qui se passait. J'ai fait des enregistrements, mais j'étais trop loin pour enregistrer les discours. Mais ça donne un peu une impression de l'ambiance. Et il y a des conversations là-dedans qui expliquent un peu exactement de quoi il s'agit. Bon, si ce n'est pas vraiment compréhensible, je ne sais pas, je vais vous le dire. Donc depuis hier, la nouvelle aile du centre fermé de 127 bis... pour des familles avec enfants, a été utilisé pour la première fois. Donc il y a une famille serbe qui est arrivée avec des enfants. Et il y avait un appel déjà il y a quelques semaines pour le lendemain faire un rassemblement devant le Mannequin Piece à 17h30. Donc hier, les gens sont arrivés. Et aujourd'hui, il y avait un rassemblement. C'était un peu compliqué pour les gens qui organisaient ça parce qu'ils se sont fiés à Facebook. Et ce n'est pas forcément le bon plan. Donc l'événement avait disparu, donc les gens on ne le voyait plus. Donc je pense que c'est aussi une bonne leçon. Donc si tu veux organiser une activité ou une action, ne fiez-vous pas juste à Facebook, mais utilisez aussi les moyens plus classiques comme les emails ou les sites internet ou Inimedia Bruxelles. Voilà. Donc je propose qu'on écoute le son, ça fait un peu... Ah oui. Et le Mannequin Piece, il parlait en bruxelleur. Ah, d'office toujours, il parle en bruxelleur. Ouais, ça c'est clair. Donc c'était un peu l'ambiance du moment. Non, je voulais juste rajouter une chose que j'ai appris, c'est que moi, ce qui m'a choqué quand même, quand j'entendais qu'il y avait dans la presse qu'on disait « oui, on va les garder que 24 heures, quand on enferme la famille, après on expulse, ou 4 jours maximum, ou des choses comme ça. Apparemment, ce n'est pas du tout vrai. Ils peuvent le garder jusqu'à un mois, donc 30 jours. C'est quand même... Allez, déjà là, y a, c'est pas clair. Y a pas, on ne parle pas honnête sur la situation et on essaye de cacher plein de choses. Voilà. Donc, je pense que donc... À un côté, parce qu'il y a pas mal de gens qui demandaient c'est quand l'expulsion, peut-être c'est pas tout de suite. Donc il y a quand même moyen d'agir, ça, c'est... et faire encore d'autres actions et rassemblements. Donc voilà, ça c'est une autre nouvelle. Bon, en tout cas, nous avons nos deux invités, Claire et Fabien de Cinéma Nova. Parce qu'on voulait un peu parler du programme, du comment, du pourquoi, qu'est-ce que c'est, le plan open air. Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Plan open air, c'est quoi ? Alors, open air, donc on comprend qu'on est en plein air. Pourtant, pour un cinéma, bon, surtout avant, maintenant, on voit de plus en plus de cinémas de plein air. Mais à l'époque, on a commencé il y a 20 ans, le cinéma en plein air à Bruxelles, ça ne se pratiquait pas tellement. Après, le plein open air, c'est plus qu'un cinéma de plein air. Parce que y a une dimension très politique, parce qu'on va sur les lieux où il y a des enjeux urbains, des questions posées par la ville, par ceux qui habitent dans les quartiers, pour essayer de dévoiler aussi les coulisses de la ville, des choses que parfois les... Bon, on voit des gros projets immobiliers, des transformations, etc. Mais ça met du temps, c'est pas perceptible. Le plein open air, c'est se rendre sur les lieux pour dévoiler un peu les coulisses, parfois avant que ça se passe. Alors parfois on dit on est les oiseaux de mauvais augure parce qu'on arrive quelque part et si on retourne sur un terrain, 2 ans plus tard, on avait un terrain vague avant et puis tout d'un coup on voit une tour de bureau. Bon, peut-être quelque chose qui ne se fera jamais. C'est-à-dire, on a été sur le terrain à Arun, on peut espérer que la prison de Arun ne se construira jamais. Mais le risque est là aussi que dans 2 ans, quelqu'un qui retourne sur le terrain où on s'est rendu, effectivement. Donc, il y a un côté peut-être dur du plein open air parce qu'on se dit, tiens, on est des oiseaux de mauvais augure. Mais d'un autre côté, on informe, on amène des vraies questions. Une façon sans doute festive, parce que le plein open air c'est quand même festif. Puis c'est un côté grand public aussi. En tout cas pour le Nova c'est grand public parce que quand vous venez dans la salle au Nova, la salle n'est pas tout le temps remplie, donc c'est sans doute un moment où on touche un public beaucoup plus large parce qu'on va vers les gens au lieu de demander que le public vienne dans le cinéma. Viennent vers nous, là c'est le cinéma Nova qui se déplace dans les quartiers, vers les lieux pour parler de ce qui s'y passe. Donc il y a les films qui sont projetés, il y a de la fête. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce qu'il y a des débats ? De quelle manière est-ce que vous amenez les thèmes ? Oui, le plein open air, c'est effectivement plein de formes diverses parce que ça reste le cinéma Nova, donc ça reste avant tout de la projection, un cinéma. Mais il y a aussi, déjà le fait de se rendre dans un lieu, ce qui enrobe la projection, c'est toute une vie urbaine, c'est beaucoup d'inattendus. On en profite pour organiser aussi des balades, on en profite aussi pour faire parfois des expositions. Il y a aussi toute une expo photo et de textes qui relate toutes les pérégrinations du plein open air depuis 20 ans. Et donc, régulièrement, les gens découvrent comme ça un peu la transformation de la ville, parce qu'on s'est rendu aussi bien à la cité administrative, le site des casernes, au quartier européen, le site de Tour et Taxi, l'ancien site de l'RTT. Enfin, voilà, on a visité plein de lieux. Et donc, l'expo, elle retrace un petit peu comme ça les mouvements de la ville, mais chaque fois en questionnant pourquoi et pour qui ça se passe, donc cette dimension politique. Il y a des débats, donc il n'y a pas que les week-ends. Les gens connaissent souvent les week-ends parce que le week-end est plus festif, le vendredi soir, le samedi soir, la projection plein air. Mais souvent le mercredi, on se rend dans des lieux plus petits où on est invité, ça peut être un squat. Cette année, on va se rendre, par exemple, dans l'hôtel des garagistes de Evart. Donc là, où les personnes qui viennent acheter les véhicules d'occasion de seconde main qui vont repartir vers l'Afrique, donc des personnes qui viennent du Bénin, du Niger, du Mali, qui viennent passer à Bruxelles, 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour constituer leur stock de véhicules. Ils se rendent dans un hôtel un peu particulier. Et donc un mercredi, on va aller là et il y aura une projection d'un documentaire, Divine Carcasse. Mais on va aussi inviter les garagistes eux-mêmes qui vont parler de pourquoi ils sont dans ce quartier-là, pourquoi ça s'est développé là. Il y aura aussi la réalisatrice. Donc là, il y a un débat. C'est pour ça que... Après, il y a le cas particulier de ce qui s'est passé à Schaerbeek, parce que ça, on en a un petit peu parlé pas mal, ce qui est à la fois une grosse déception pour nous, mais qui en même temps illustre une vraie question. Dans un moment où dans la ville, il y a énormément d'événements festifs, publics, dans l'espace public. Enfin bon, il y a évidemment toute la piétonnisation du centre-ville, mais il y a partout de l'événementiel en permanence pendant l'été. Et puis tout d'un coup, le cinéma Nova débarque avec son projecteur, son écran, pour questionner la réalisation d'un projet de parking en sous-sol sur une place populaire à Schaerbeek, la place Léon. Et on se retrouve confronté à une réglementation très tatillonne, très pointueuse de la part de la commune. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'en fait, que si on nous met tous ces cadres et toute cette réglementation, c'est parce qu'il y a finalement une forme de censure sur notre programme. Ce que le Nova propose là, et qui est une dimension critique du projet de parking souterrain, ne plaît pas à la commune. Et donc, au final, on a un week-end du plein open air, qui devait être le week-end ici, le week-end du 17-18 août, qui s'est retrouvé purement et simplement annulé. Et ça, on a déjà eu des week-ends qui passaient à la trappe, mais pas pour cette raison-là. C'est la première fois qu'on se retrouve un peu comme ça, confronté à une forme de censure, en fait, de la part... Ouais, peut-être qu'on peut juste revenir sur le thème de cette année. Mm-hmm. Je pense qu'on a déjà compris, on va parler de la voiture et de la ville. Comment est-ce que vous êtes venu à ce thème et pourquoi le choix notamment de la place d'Ohon ou les autres lieux où vous allez organiser le festival? On n'avait jamais fait le thème de la bagnole au plein open air et c'est un peu étonnant parce que qui parle de ville, quelque part, la voiture, elle est omniprésente. Elle fait tellement partie intégrante de la ville. Et quand on parle de Bruxelles, Bruxelles, à partir des années 60, était complètement façonnée par l'automobile. C'est la période des autoroutes urbaines, les viaducs, les tunnels, etc. Et en fait, on l'avait toujours abordé de façon périphérique, mais jamais de façon centrale. Et l'idée du viaduc nous était venue parce qu'au moment où on a commencé à parler du sujet, c'était le moment où il était bloqué, le viaduc Herman de Brou, parce qu'il y avait ses fissures, etc. Et donc, et quelqu'un nous avait dit « Ah, ben tiens, il y a peut-être un lieu là où on pourrait organiser la projection, etc. » Alors, viaduc, donc on se dit « Ah ben oui, mais viaduc, forcément, alors on va parler de la bagnole. » Dans le même temps, il y avait déjà un peu l'idée du quartier Evart parce que la pression augmente fort ces derniers temps dans le quartier. Beaucoup ont entendu parler du projet de délocalisation des garagistes. En fait, c'est plus ou moins une soixantaine de garages qui sont installés là, mais quand on dit garagiste, en fait, c'est un commerce d'exportation de véhicules d'occasion vers l'Afrique et qui est installé là depuis plus de 40 ans et qu'on veut délocaliser parce que ça fait tâche, ce métier de garagiste. Et on est à proximité du canal, de la gare internationale, de la gare TGV, etc. Et donc, c'était un peu prendre des versants différents. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de la voiture. D'un côté, tout le monde dit oui, la voiture, c'est sale, ça pollue, la qualité de l'air, etc. Et effectivement, environnementalement, la voiture est problématique. On peut même dire que la voiture, certains disent, c'est fasciste, la voiture, ce qui n'est pas tout à fait faux. Tout ce qu'elle incarne en termes de consommation individuelle, de forme de totalitarisme. Mais dans le même temps, les gens ne veulent pas se passer de voiture. Et puis d'un côté, la ville est construite en grande partie pour et à partir de la voiture, mais là où il y a un quartier de garagistes qui permet à des gens de vivre avec des petits métiers, qui permet un quartier d'avoir ce qu'on va appeler plus une mondialisation par le bas, finalement, là, on veut s'en débarrasser. Bon, j'ai beaucoup de choses à raconter. En fait, je propose, je ne sais pas, Fabien, si tu peux intervenir. En fait, tu as fait ton playlist. Tu as amené plein de morceaux ou de musique. Qu'est-ce que tu voudrais passer maintenant ? Ben, je pouvais penser à The Kift, puisque ils vont être au premier week-end. Donc, en fait, The Kift est un groupe néerlandophone, enfin non, de Hollande, qui vient assez loin. Ils sont quand même 12. Et ils font une musique qui rappelle fortement parfois DX, mais aussi de la chanson française, alors qu'ils chantent en néerlandais, donc c'est assez étonnant. C'est un drôle de mélange, c'est un groupe qui existe depuis vachement longtemps, qui a une très grande présence scénique, et donc ils vont être en dessous de ce viaduc, donc à Herman de Brou, donc ça, ce sera le vendredi 24, si je ne me trompe pas. Et bah voilà, donc on peut déjà écouter ça. On ne peut pas passer la musique de Trafic de Jacques Tati. Un peu long. On y avait pensé à un moment de passer Trafic de Jacques Tati, parce qu'effectivement... En de hel losbreekt. De hel losbreekt in duizend grijnslachen. En de duivel zijn lippen likt, gereed zich te goed te doen. En alle duivels, jongen, hun slabbetjes voorbinden om te kluiven op de verdorven botten uit deze wereld. Oh, vrienden! Oh dan! Wat doen jullie dan? Dan kijken jullie terug naar de bergen. Dan grijpen jullie terug naar een strohalm. Dan schreeuwen jullie! Voilà. Là, tout à l'heure, on vient déjà de l'évoquer, le week-end qui a été annulé à cause des conditions qui ont été imposées par la commune de Schaerbeek. Place le 11, c'est un sujet apparemment chaud, trop chaud. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu de quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent faire là-bas et pourquoi vous avez voulu vous rendre là-bas? Mais donc, c'est un projet de parking en sous-sol, en dessous d'une place publique, qui est la place Léon, qui est une place, pour ceux qui la connaissent pas, voilà, une place assez populaire, très utilisée par les habitants, les enfants. Il y a même des jeunes qui viennent de loin parce qu'il y a des panneaux de basket, etc. Donc elle est assez usitée, elle a un usage assez conséquent. Et ce projet de parking souterrain est un projet privé, donc ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé, qui était porté par Interparking, mais soutenu par la commune de Schaerbeek. La commune soutenait le projet, qui posait pas mal de questions aux riverains, parce qu'ils se disaient que bon, ben voilà, ça allait forcément générer un chantier très conséquent et donc perturber fortement les usages de la place. Mais par ailleurs, comme c'est un projet privé d'Interparking, la tarification du parking n'était pas du tout adaptée aux riverains. Bon, il y a pas mal de problèmes de parking dans le quartier, hein, c'est des quartiers très denses, etc. Et au final, ce projet très coûteux, où la commune allait quand même investir 2 millions d'euros, alors que c'est un projet privé, où la place de parking allait coûter 150 euros par mois. Donc on peut bien imaginer que pas mal d'habitants de Schaerbeek et les riverains n'ont pas la capacité de débourser 150 euros par mois pour une place de parking. Et au total, ils allaient supprimer des places de parking en surface. Donc le parking allait générer seulement une trentaine, je crois, enfin, ou peut-être quarantaine de places de parking supplémentaires par rapport à la situation existante. Donc voilà, les riverains ont commencé à se mobiliser assez fortement contre ce projet. Pétitions, affichages, manifestations, interpellations communales. Et donc, quand on a... Bon voilà, ce projet a fait parler un petit peu de lui. Il se fait que nous, on connaissait une des riveraines. Et donc, voilà, de fil en aiguille, a émergé au sein de l'équipe du Nova et du Plein Open Air de se dire, ben voilà, ce projet, comme des tas d'autres projets, enfin, il était assez emblématique. Il y a des tas d'autres projets de parking souterrain. Tout le monde a entendu parler à l'époque du parking Flaget, par exemple. Pour le moment, voilà, le fameux parking des Marolles. Il y a un autre projet de parking comme ça, Place de la Vaillance. Enfin, voilà, la bagnole, on a besoin de la voiture, mais on l'enterre et on pense que tout est résolu. Et tous ces parkings souterrains sont développés souvent par le privé et fondamentalement sont surtout des aspirateurs à voiture, puisqu'on continue à garder des places qui doivent bien arriver jusque-là, donc qui doivent bien passer par les voiries. On doit faire des trémies, enfin, pour rentrer dans le parking. Donc souvent, on découpe l'espace public, les places se retrouvent fortement malmenées. Bon, au Marolles, ça allait fortement perturber le marché, évidemment. Et donc, voilà, à travers ce projet-là, on dit que c'est l'occasion d'aborder cette question-là, et on demande à une habitante qui est réalisatrice de voir si elle t'es intéressé de réaliser un film d'atelier pour faire parler et parler avec les habitants, les riverains, de ce qui est en train de se passer là. Et visiblement, c'est ça aussi qui a déplu à la commune de Schaerbeek. Donc oui, nous en fait, on avait envoyé le courrier en avril pour la demande, pour utiliser la place pour mettre notre écran et notre projection, le bar, etc. Fin juin, on n'a toujours rien alors qu'on a redemandé. Finalement, je crois que c'est ça. Hein. Alors, enfin, on reçoit une réponse, je crois, début juillet, et qu'ils nous disent « Ok, mais à 10h, tout doit être fini. » Ah, mais la projection, en général, ça se passe la nuit. Donc, en été, c'est plutôt tard, donc c'est embêtant. Donc, et en plus, c'était déjà étonnant parce qu'on a eu le policier... Parce qu'il y a toujours le policier qui donne son avis sur la question et qui voulait savoir quel groupe allait venir, quel film on avait passé. On n'avait jamais eu ce genre de demande. On s'est exécuté. Mais bon, il faut savoir que c'était quelqu'un qui allait jouer de l'oud. Oui, bon, il allait chanter en turc et en kurde. peut-être que ça allait créer un problème, je ne sais pas. Mais on allait passer un chouette film. Bon, voilà. C'était lequel, j'ai même oublié. On avait prévu deux films assez familiaux, etc. Donc oui. On voulait passer une comédie musicale algérienne. Ah oui, aussi. Et on voulait passer Roger Rabbit. Oui, la place était justement... Mais pour passer un film familial. Oui, parce qu'en fait, le plein open air, c'est rare qu'on aille sur des places. On va souvent dans des endroits pas très connus ou utilisés, etc. Et là, on allait directement sur une place avec plein de maisons autour. Ça arrive, mais c'est assez rare qu'on fasse ce genre de choses. Et donc, on voulait bien se plier. Mais enfin, bon, il faut quand même qu'on puisse montrer nos films. Alors après, on a eu une autre réponse, parce qu'on dit, à 22h, ça va pas. Alors... On essaie de contacter absolument le bourgmestre pour qu'il donne un autre avis. Alors, il veut bien revoir. Alors, il nous dit, OK, jusqu'à 23h30, mais pas le film, pas ce film-là. Alors là, on est un peu étonné. Donc, on répond, oui, mais enfin, bon, là, c'est quand même de la sortie. Mais pas ce film-là, c'est le film d'atelier de la... Oui, voilà. Donc, on est... Donc là, on dit, mais ça va pas. Alors après, ils nous disent, oui, alors, 20... je sais plus, c'était genre, il fallait terminer... Dès que le film était fini, donc on pouvait tout montrer, mais dès que le film était fini... À 23h moins quart, tout devait être terminé, le bar plié, plus personne. Et nous on s'est dit, c'est le premier week-end du plein air, on allait démarrer le plein open air avec ça, et on a dit, c'est donné un mauvais signal aussi, les gens viennent, et puis tout d'un coup, se plie à ce diktat-là qui est dénué de sens, parce que la commune invoquait les nuisances sonores. Alors, on a dit, oui, mais il y avait un mois auparavant, le cinéma de plein air de Libération Film, qui se fait depuis plusieurs années, qui est très chouette et tout, qui se faisait aussi à Scarbeck. Non, qui ne se faisait pas sur la même place. Mais normalement, il y a pas mal comme ça de projections en plein air. Et toute projection en plein air, en été, démarre, les projections de Libération Film démarrent à 22h, ce qui est logique. Et c'est pas l'activité la plus bruyante qui soit, donc parce qu'en général, quand les gens regardent un film, on entend éventuellement le projecteur qui tourne, on entend, les dialogues du film. Et on était tout à fait d'accord de dire, on fait notre projection et le temps après que les gens prennent encore un verre et tout le monde se disperse tranquillement. Mais ce qui nous mène quand même, disons, à 23h30, 24h, et c'est deux soirs, et beaucoup des riverains soutenaient l'idée, puisqu'on allait parler de quelque chose qui se passait. C'est pas comme si on était déconnecté, c'est pas comme si un groupe vient débarquer de l'extérieur avec un propos qui n'a rien à voir avec le quartier. Et puis, la question des nuisances sonores est une chose, mais venir dire que ce film-là ne pouvait pas être passé parce qu'il était contraire, ils nous ont dit... Oui, mais votre film est contraire au PPU, à savoir le programme de prévention urbaine de la commune. Donc ça, c'est comme si toute la programmation devait être inféodée à la philosophie de prévention de la commune de Scarbeck. C'était quand même un peu déplacé. Voilà. Donc, c'est regrettable. Mais vous allez quand même vous allez quand même d'office projeter le film dans un théâtre juste à côté, le théâtre Océan Nord, le mercredi 22. Oui, c'est étonnant parce qu'en fait, on vient de l'apprendre, mais en fait, l'Océan Nord est un ancien garage. Donc finalement, on se retrouve quand même dans le thème de la voiture. Et donc, il va passer... À la base, c'est parce qu'on pensait mettre en premier, mais on va le passer, parce qu'au moins, c'est l'occasion de pouvoir le passer dans le quartier. On va mettre des affiches dans le quartier, ou en tout cas des petits flyers, des dépliants, pour expliquer qu'il y aura ce... Donc ce film, film d'atelier qui est fait par une habitante de la place, et qui parle de... En fait, il parle surtout de la lutte des riverains par rapport à ce projet. Et donc, on les voit aussi interpeller les conseillers communaux, etc. Et qu'ils se sentent mal à l'aise, en fait, devant cette caméra. Enfin, je pense que ça peut être ça. Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils l'ont déjà vu ? Ils ne l'ont pas vu. Hein. Il n'est même pas fini. En fait, il est en train d'être terminé en vue d'être projeté. Donc, c'est le propos même, pour eux, la prise de risque qu'un film soit projeté sur une place publique pour donner des opinions et des options qui ne correspondent pas aux leurs. C'est divergente de la commune. Ouais. Oui. Et puis, mais après, il y a aussi Extérieur Rue, qui sont en fait des cours qui sont filmés dans le quartier. Et alors, on va parler... Il y aura un débat public après le court-métrage, où seront invités des représentants et de la plateforme de mobilisation contre le projet de parking de la place Léon, mais aussi des représentants de la plateforme Vaillance, donc de ce projet de parking à Anderlecht, où il y a aussi pas mal de contestations et des groupes d'habitants qui se sont organisés. Il y aura aussi un collectif qui traite la question de la sécurité liée à la circulation automobile autour de la place Litz à Schaerbeek, où apparemment il y a quand même régulièrement des accidents. Et donc ça s'appelle sécurité. Zéro 030, je ne sais plus. Oui, j'ai oublié. tout à l'heure, on va revenir sur la programmation. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire sur ça exactement, sur donc le fait de toute l'histoire avec la commune. Parce que nous, je propose qu'on passe encore un morceau, Fabien. Oui, alors si vous venez toujours à Herman de Brou, il y aura aussi un autre groupe qui va être la Jeun, qui passera samedi 25 à 20h. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est une sorte de trance mat rock from Mons, comme on dirait, pas de Mars, mais de Mons. Et c'est juste un duo. Et vous allez entendre, c'est étonnant tout le potin qu'ils peuvent faire juste à deux. Et mais bon, c'est un morceau assez long, mais il vaut le détour. Thank you. Donc c'était la jungle. La jungle, donc c'est peut-être pas de la jungle, mais c'est vrai qu'on pourrait être un peu comme dans une rave party des années 90, mais ici, en dessous d'un pont, et ben c'est ça qu'on va vous faire voir au Viaduc, avec deux gars, un à la guitare et il a juste un petit micro et un petit synthé, et une pédale qui fait tourner des boucles, et juste avec ça, et un batteur qui tient toujours le rythme, on va danser, je crois. Ah ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, bah, du coup, on parle de programme. Peut-être qu'on va un peu passer à la programmation. Voilà, je ne sais pas si on doit tout dire ou on doit tout développer, mais on vous fait confiance pour nous. Voilà. Bah, il ne reste plus que deux week-ends. Hein, donc on peut résumer. C'est plus simple. Enfin bon, il y a les deux mercredis. Hein, donc le premier mercredi, on en a parlé. Donc le festival MAM, il démarre le mercredi 22 août. Ça sera à Scarbeck, on en a parlé. À l'Océan Nord. Voilà, l'ancien garage. L'ancien garage. Le week-end qui suit, c'est là qu'on est sous le viaduc Herman de Brou, à hauteur Trois-Fontaines, pas loin de la Depse. Et donc là, on il va y avoir un film qui s'appelle Home. Oui. Et il y a De Kiff qui va jouer avant et après. Oui. Et donc le lendemain, on va avoir la jungle, mais aussi on va avoir aussi des balades avant. Et je crois qu'il faut se... Oui, les balades sont sous inscription obligatoire parce qu'on est conscient que les balades de qualité se passent difficilement au-delà de 15-20, voilà, vingtaine de personnes. Donc à Herman de Brou, y a une balade qui est plus une balade nature, et puis une balade qui est plus un peu sur à la fois historique du viaduc. Il y aura d'ailleurs un diaporama avec toute la période de construction de ce viaduc dans les années 70 et tout ce que ça a produit aussi pour les quartiers juste autour de cette construction. Pour les deux films qui seront projetés à Herman de Brou, ça c'est quand même important à signaler, c'est que ça sera des projections en 35 mm. Ce qui est de plus en plus rare, hein, parce que voilà, pour ceux c'est la bonne qualité. Qui suivent un peu, maintenant soit on a du DCP, comme on dit, du Blu-ray, et donc le Nova va sortir son projecteur 35 mm avec les bobines et tout pour les deux soirées qui se feront à Herman de Brou. Oui, je parle un petit peu des films ou pas du tout ? Oui, oui. Alors Home, en fait, c'est un film français qui évoque une famille qui est heureuse devant une autoroute où il n'y a rien. C'est parce qu'en fait, l'autoroute n'a pas été terminée, mais malheureusement, un jour, les travaux vont se faire et les travaux vont être terminés. Et ça va chambouler toute leur vie. Pour ce qui est de Death Race 2000, parce que moi, je ne parle pas bien en anglais... Hein, c'est une course-poursuite où on va voir Sylvester Stallone dans un de ses premiers rôles dans une voiture assez ridicule, et c'est assez loufoque, avec Carradine qui va jouer le rôle du méchant, mais il a l'air vraiment méchant. Et malgré que tout est un peu carton-pâte, mais c'est jouissif. Bon, alors évidemment, le thème, c'est on est dans le futur, y a une course, les gens suivent pas le football, mais cette course, et cette course, plus on écrase des gens, etc., plus on a des points. Yeah. Ça rappelle plein de jeux vidéo pour certains, j'imagine. Mais alors, il y aura des résistants. Et oui, donc on va voir des résistants qui vont résister à Sylvester Stallone. J'ai pas encore vu le film. On doit encore le retaper parce qu'il est... La bobine 35 doit encore connaître des réparations artisanales. Donc on espère qu'elles seront, top. Hein. Donc voilà. Et alors, il y aura aussi des cubes sonores. En fait, c'est des enregistrements sonores qui parlent en fait du viaduc Herman de Brou, et qui pourront être écoutés sur le site en permanence le samedi après-midi. Et en fait, nous sommes dans une zone Natura 2000, c'est dingue, moi je ne savais pas. Et donc en fait, c'est une autoroute qui traverse vraiment les bois, je suppose que tout le monde connaît, mais en fait quand on s'en rend compte, c'est encore plus fou, parce que là, on va être, il y aura des bois des deux côtés, en dessous, là, et juste au-dessus de nous, on aura une autoroute. Voilà. Et puis il y a l'effet miroir, parce qu'il reste juste une maison en fait qui était antérieure à la construction du viaduc. Qui est toujours là. Et qui est toujours là. Et or dans Home. On est dans le même schéma, à part que là l'autoroute est là. Et il y aura aussi des petits cours qu'on va aller chercher à la cinémathèque, qui vont nous les prêter. Donc c'est des 16 mm. Ah oui, il y aura aussi des 16 mm. Ce sera Garde-toi, un vieux film de 49, quand à voir, c'est assez à mourir de rire quand on voit comment les piétons doivent bien se tenir par rapport aux voitures. Et il y aura le métro en folie, et là c'est une visite de Bruxelles en stop motion faite dans les années 70, et c'est assez délirant, ça va super vite. Et donc c'est assez, je crois que ça va être un bon moment. Il y aura à manger aussi bien sûr, et le bar bien sûr, avec des très bonnes bières. Et le concert de Kift avant et après la projection, oui, ça, le vendredi. Alors est-ce qu'on passe déjà au mercredi suivant, ou on met encore un morceau, je ne sais pas. On peut mettre un morceau. Qu'est-ce que tu voudrais, Fabien? Je crois qu'il y a un petit Cap Calloway dans les Blues Brothers qui pourrait être chouette, qui va annoncer donc le week-end suivant. About Minnie the Moocha. She was a low-down hoochie-coocha. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, hidey, hidey, hidey. To Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, Le sas que vous avez entendu, c'est un extrait de Blues Brothers, c'est pour ça qu'il y a des sons qui sont un peu bizarres, puisque je l'ai tiré du film. Donc évidemment, il y a des scènes où les deux frères essayent de rentrer dans une salle de concert où ils doivent aller jouer, mais malheureusement, il y a et la police, et des gens, et des nazis, et l'ex d'un des deux musiciens qui veulent l'en empêcher d'y aller. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez eu ce son un peu particulier. Donc les Blues Brothers, ouais, ce sera le deuxième week-end, mais est-ce qu'on parle d'abord du mercredi qui est juste avant? Le mercredi, j'en avais déjà un peu parlé, le mercredi 29 août, c'est là qu'on se retrouve à l'hôtel des exportateurs de véhicules d'occasion en plein milieu du quartier Evart. Il y aura d'abord la projection d'un documentaire belge, Divine Carcasse. C'est pas tout à fait un documentaire, c'est une docu-fiction. Mais en fait, bon, voilà, la réalisatrice qui sera là, d'ailleurs, qui est belge, Dominique Leroux, l'a vraiment vécu comme quelque chose où, quand elle est partie filmer ça à Cotonou, au Bénin, comme quelque chose que tu filmes en fonction de ce qui arrive au fur et à mesure de la réalisation de ton projet. Donc apparemment, elle a plein d'anecdotes à nous raconter, puisque ça parle de l'exportation d'une Peugeot qui quitte la France pour vivre une seconde vie sur le continent africain. Elle débarque à Cotonou, et puis là, elle va passer de main en main. Et en passant aussi de classe sociale en classe sociale, puisqu'elle va d'abord débarquer entre les mains d'un colon, et puis ça va être le cuisinier, et puis voilà, elle va terminer sa vie totémisée sur la place d'un village. Mais tu as spoilé. D'un village. C'est le suspense. Et ça sera en 35 mm. Donc on va sortir normalement à 35 mm. Oui, dans une pièce toute petite, on va sortir le gros pro 35 mm. Et puis ça sera suivi d'un débat avec, je disais, les garagistes du quartier, Et un chercheur de l'ULB qui a un petit peu analysé toute cette mondialisation par le bas, pourquoi cette activité d'exportation s'est développée dans le quartier Evert, parce que c'est devenu un peu la plaque tournante internationale à Cotonou. Vous parlez de Bruxelles, les gens ne savent pas, ne connaissent pas Bruxelles, mais connaissent Evert. Evert, bien sûr. Donc on ne se rend pas compte derrière ces façades de garage, ça a l'air de pas payer de mine, comme ça les gens voient juste l'activité à même la rue de tous les rabatteurs de bagnoles, mais derrière se cache une activité économique bien plus conséquente que ce qu'on imagine. Donc, et dans les bagnoles, parfois, se cachent des frigos de seconde main. Ah oui. Alors, ça a existé, mais ça n'existe plus. Ah oui. Parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des gens qui ont trop mis de trucs dedans. Ils mettaient des frigos, etc., des mobilettes, etc. Et malheureusement, une fois, il y a eu une voiture qui a pris feu. Et donc maintenant, c'était interdit qu'ils puissent mettre des trucs dedans. C'est-à-dire que les voitures sont exportées par paquebot. Donc elles sont par centaines et par centaines dans le paquebot. Et si une voiture flambe parce qu'il y a un matelas qui prend feu, en fait, d'un seul coup, ils perdent 40 bagnoles, quoi. Donc, ça fait une perte sèche. Donc, il y a toute une série de réglementations aujourd'hui autour de cette activité. Après, le transport de toute cette économie connexe, diverse, etc., se poursuit, mais dans les containers, ils séparent maintenant. On a d'un côté les électroménagers, d'un côté les matelas. Tout ça est un petit peu plus rangé. Mais quelque part, voilà, ça continue quand même. Oui. Il y aura à manger aussi, d'ailleurs, mercredi. Ah oui, il y aura la bouffe libanaise, parce qu'en fait, c'est un commerce qui est surtout aux mains de la communauté libanaise. Donc, il y a une espèce de hiérarchie communautaire, comme ça, dans le sens que c'est les Libanais qui sont les commerçants, qui sont un peu les patrons. Et en fait, la population d'Afrique subsaharienne qui joue un petit peu les petites mains. Il y a une espèce comme ça de hiérarchie. Mais ça veut dire aussi que les gens qui arrivent de là-bas peuvent trouver tout de suite du boulot dans ce quartier qui est assez particulier, parce qu'il est entre le canal, entre les rails de train. Et alors, Mais tout le monde pense toujours que c'est Matongé, le quartier africain. Ben non, pas du tout à l'heure actuelle. Là où tu as la communauté subsaharienne la plus importante à Bruxelles, c'est à Kureghem et à Evert, notamment liées à cette activité qui leur fournit du travail. Il y a beaucoup d'églises évangélistes aussi dans le quartier. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le film Blues Brothers. Ah oui. Ils bénissent les voitures. C'est un autre aspect, oui, je pense, dans le sens que c'est une autre économie. C'est ce que tu as dit le mot mondialisation d'en bas. Donc c'est pas vraiment... Bon, ça, il faut changer aussi, parce que je me souviens, j'ai travaillé là, comme, dans le quartier, comme gazier, soudeur, dans le temps, parce qu'on renouvelait les canalisations de gaz à un certain moment. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup de Polonais, parce que c'était encore avant que la Pologne rentrait en Union européenne. Et moi, par exemple, je voulais aller en Pologne, j'ai demandé à des gens là-bas, est-ce que je peux venir avec vous dans votre camion, et à ce moment-là, en fait, juste avant la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, toutes les dépanneuses descendaient dans un bois, dans un grand train, où toutes les voitures étaient complètement démontées, parce que c'était moins cher en TVA ou je ne sais pas quoi, d'importer des pièces détachées que les voitures. Donc on démontait toutes les voitures, et puis ça passait la frontière, et puis on remontait après. Donc ce sont vraiment des économies et des plans qui sont informels, plus ou moins légaux, mais qui permettent toute une économie de marcher, fait, de donner du boulot, ouais, de se débrouiller. Ça fonctionne encore vraiment sur des liens de confiance, des liens communautaires. Parce qu'on dit informel, mais c'est informel pas au sens illégal, c'est que c'est cette économie qui peut fonctionner par les diasporas, des communautés, par ces relations de confiance qui s'installent et par des... moins pas, enfin, plus par des réseaux humains que par des réseaux... du grand business, disons. Du grand business, oui. Du grand business. Ouais, mais franchement, je trouve ça vraiment très chouette que vous avez trouvé les gens de cet hôtel. C'est unique. Le plein open air à l'hôtel, oui, ça c'est un peu particulier. Oui, mais je veux dire, ce sont des lieux où on ne rentre jamais si tu n'appartiens pas à cette communauté ou à ce réseau. C'est incroyable, peut-être n'y a rien à voir, mais on a été une fois en Bolivie, à La Paz, et là aussi, on était quand même étonnés d'une autre économie, l'échelle d'économie par les indigènes, et c'était surtout aussi des femmes. Les cholitas. Cholitas. Et c'était aussi le commerce de voitures. Oui, c'est elle qui contrôlait en fait l'importation des voitures de seconde main du Chili. Oui. C'est marrant. Hein. Mm. Et c'était aussi une population très, super pauvre qui est venue vers la ville et qui ont trouvé un autre moyen pour monter dans l'échelle et pour avoir plus d'argent. Et ils ont cherché ces économies-là. Donc c'est vrai, comme tu dis, c'est la mondialisation en bas et qui gêne les grosses capitalistes. Allez, tu vois. Oui, on ne valorise pas la mondialisation de la même manière, oui. En fonction de la manière dont. Ou le même type de population qui. Mais parce qu'elle a sa force, en fait, en réalité. On veut la minoriser, la fragiliser et tout. Mmh. Parce qu'en fait, elle incarne quand même. Aussi un contre-pouvoir à sa façon. Oui. En plus, il y a apparemment un grand boost qui a été donné par le fait que chez nous, les voitures diesel seront beaucoup plus taxées. Il y a eu tous les scandales. Et que donc, les voitures de seconde main, les diesel, ne se vendent plus. Donc, il y a un nouveau flux qui s'installe où, notamment, on va exporter les voitures diesel de seconde main et on va importer les voitures d'essence de seconde main en Belgique. Donc il y a de nouveaux perspectives, en fait. Enfin, en même temps, leur activité à Evers, c'est ce que les garagistes disent, elle est en train de se fragiliser. Donc c'est plus une activité économique en pleine efflorescence, parce que on parlait tout à l'heure de ces réglementations qui faisaient que le plein open air avait dur à vivre. Mais bon, ben les garagistes, à l'heure actuelle, ils sont quand même un petit peu cadrés de tous les côtés. Après, oui, il y a des choses parfois étonnantes qui se passent et bof, ils peuvent retrouver une réanimation d'une autre manière, trouver aussi à leur façon. Dans la mondialisation par le bas, on trouve aussi des nouveaux marchés, etc. Mais par exemple, la grosse filière d'exportation, c'était vers le Niger. Et maintenant, le Nigeria, Niger, etc., ont mis des nouvelles réglementations. Ils ne prennent plus toutes les voitures qui arrivent par le Bénin. Bon, d'un côté, il y a des normes environnementales. Puis en Europe, on met aussi sur les liquidités toute une série de limitations. Or, beaucoup des paiements se font en liquidité. Alors, tout de suite, il y a une espèce comme ça de jugement et de préjugé qui dit « Ah, mais ils payent en liquidité, c'est parce que c'est du blanchiment d'argent. » Non, c'est parce que, quelque part, eux, ils ne peuvent pas faire effectivement confiance à leur propre banque. Et donc, ils préfèrent fonctionner avec des liquidités. Mais ce n'est pas parce qu'eux font du blanchiment d'argent. Enfin, voilà, comme ça. Et puis, il y avait aussi le président du Rwanda qui expliquait qu'il avait marre, en fait, que l'Afrique devenait la poubelle de l'Europe. Et un des trucs qu'ils commençaient à interdire, c'était l'arrivée des voitures d'occasion, en fait, que les Européens ne voulaient plus, qui retournaient en Afrique, en fait. Après, c'est vrai, sans doute en partie. D'un autre côté, quand on voit ces voitures, enfin, moi, je travaille dans le quartier, je vois ces véhicules, c'est pas du tout des cercueils sur roues ou des poubelles. En fait, souvent, c'est des véhicules relativement en bon état. C'est parce qu'on est dans une société d'obsolescence qui fait que très, très vite, les gens se débarrassent. Donc, une voiture qui a 2 ans, au niveau aussi maintenant, en plus avec toute l'électronique, etc., t'as plus les gadgets que tu veux et très vite, les choses se retrouvent déclassées. Et alors, c'est une poubelle très relative parce que, bon, après, pendant des années, c'était les Toyota qui étaient super prisées parce que c'est des voitures longue durée. Et quand on voit la seconde vie que ces véhicules connaissent sur le continent africain, ben, souvent, en fait, c'est des véhicules qui peuvent encore. Et donc, il y a un côté comme ça. Maintenant, on te vend la voiture propre et la voiture durable, etc. Et c'est surtout pour alimenter la production. Puisqu'on te dit que ta voiture est interdite, donc tu es obligé de soit t'en racheter une. Et on sort du marché des véhicules soi-disant sales, mais finalement, si tu regardes ce qu'on appelle le bilan carbone total de l'objet, toute l'énergie grise, depuis sa production jusqu'à sa fin de vie, il vaut parfois mieux utiliser une voiture jusqu'au bout de sa vie que de reprendre un véhicule soi-disant propre, qui ne sera jamais propre en fait, de toute façon. Oui, surtout que la destruction de la voiture a aussi un coût. Enfin, ouais. Oui, ben, je ne sais pas. Je propose qu'on passe au week-end après. Oui. Et là, il y aura des concerts de nouveau, je pense. Oui, alors on va avoir Afrosoukous qui va jouer avant et après. En fait, c'est Zikoman qui est un gars du coin, qui joue très souvent à Africa Moto. Alors, moto ne veut pas dire moto. Je crois que ça veut dire âme, je ne suis pas sûr. Et donc, c'est un petit bistrot qui est dans le quartier. Et à donc, côté des abattoirs d'Anderlecht, et où il joue régulièrement. Et c'est bien de la rumba congolaise, c'est ça? C'est de la rumba congolaise. Et donc, ça, on a, dans notre, je crois qu'on a ça dans notre magasin. Exactement. Alors, on va pouvoir écouter un peu ça. Vous allez voir, ça, on va aussi danser de nouveau. Et donc là, ce faut sera mieux voir sur place. Hein. C'est des musiques qui s'écoutent en live. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais là, on va être dans un dans une sorte de parking, enfin couvert. Non, ça sera une halle. Ouais, une halle. De on va vous raconter après. Afro secousse, ça, je crois que ça va bien secouer. D'ailleurs, bougez. Voilà. Et donc, on va avoir le Blues Brothers. Moi, je suis trop content. Blues Brothers, où il va y avoir une centaine de bagnoles de flics qui vont être pétées. Alors, les Blues Brothers, d'ailleurs, ils roulent dans une voiture d'occasion. Ce sera d'ailleurs une voiture de police aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, son frère boudait un peu. Donc, c'est un film, une sorte de comédie musicale, puisqu'on va avoir Aretha Franklin, James Brown, Cab Calloway ou John Lee Hooker qui vont être des figurants, des musiciens du film. Mais, et puis, il faut le voir. Je trouve que c'est un film culte. Voilà. Et donc, avec beaucoup de bagnoles sinistrées, hein, parce que c'est le thème de la bagnole. Oui. Donc, on va avoir une centaine de bagnoles de flics, dont une qui va être balancée d'un hélicoptère, je crois que c'est à Boston. Ils ont fait des cascades de fou, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les effets. Là, on est en 1979-80, quand le film a été fait. Et donc, en fait, on est en fait, dans la Halle Illibelco, en fait. Ce sera à Kerugem. Et cette halle, elle a une histoire, puisqu'en fait, à la base, c'était un lieu où je crois qu'on stockait du métal, ou du charbon d'abord. Non, du charbon. Le long du canal, il y a encore les grues, en fait, qui permettaient de transvaser le charbon depuis la péniche jusque sous la halle. Et donc, c'est une halle qui a été construite en 1910 et qui restait une halle à charbon jusqu'en 1900... Oui, c'est ça, 60. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est transformée en plutôt halle de matériaux de construction. Oui, de métaux, je crois. Et en fait, les garagistes libanais dont on parlait tout à l'heure, ils sont arrivés dans le quartier dans les années 80, quand l'abattoir a commencé à décliner, l'activité de l'abattoir d'Anderlecht. Et donc autour de l'abattoir, il y avait beaucoup de grands entrepôts de viande, de grossistes de viande, de salles de découpe. Et comme ça déclinait, ces gens quittaient ces entrepôts. Et les garagistes qui étaient plutôt organisés autour de la gare du Midi, ont récupéré ces anciens espaces. Et donc, sous la halle, c'est un garage depuis 79. Mais il faut savoir que, avec la pression immobilière qu'il y a autour du canal, cette volonté de dégager les garages, de changer le quartier, etc., dans le cadre d'un contrat de quartier, la commune de Molenbeek a adopté un arrêté d'expropriation concernant les garagistes qui étaient installés sous cette halle. Et donc, c'est le garagiste Libelco, parce que Libelco, c'est le nom de la société, en fait, de garagistes, doivent quitter la halle pour la fin de l'année de 2018. Donc, voilà, ce dont on parle maintenant, on va se retrouver sur cette halle de garage, dans 4 mois, les garagistes ne seront plus là. En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'ils... Ils ne partent pas, ils ne quittent pas le quartier. Ils ont trouvé un autre terrain, un peu plus loin. Ah. Et ils vont continuer leur activité dans le quartier. Comme quoi, hein. Ils ont des ressources. Impressionnant. Est-ce qu'on parle de ce qui se passe samedi aussi? Le samedi, oui. Donc, les deux jours, évidemment, il y aura aussi à manger. Donc, c'est toujours des plats végétariens. Enfin, quoique, je ne sais pas. Végétarien ou pas finalement? Ah, on a une grande question, parce qu'en général, les repas du plein air, c'est toujours végétarien depuis des années. Enfin, voilà. Depuis toujours. Ça a toujours été végétarien. Oui, je crois. Et alors, en même temps, comme on essaie de faire des choses en phase aussi avec les quartiers où on est, de travailler à partir de ce qui est présent, les populations africaines, elles aiment bien manger de la chèvre. Et alors, on s'est posé la question tout de même, de se dire, tiens, est-ce que quelque part, on n'arrive pas, nous, avec juste nos codes culturels, de débarquer et d'imposer le fait que ce soit végétarien? On n'a pas réglé complètement la question. On ne faisait pas encore qui va cuisiner, donc la question est encore... est ouverte. Encore... Ouverte, ouais. Voilà. Ouverte. Et donc, il y aura aussi des balades samedi? Le samedi après-midi, il y a deux balades qui ont lieu aussi le mercredi après-midi. Il y a une balade qu'on a appelée des vaches, des voitures et des cultures. Parce que les poumons économiques du quartier, c'est l'abattoir d'Anderlecht, la viande. On en parlait, la viande et la bagnole, là, franchement. Et la deuxième activité, c'est les garages. Et puis, c'est un quartier, c'est sans doute... Enfin, voilà, on parle de ville cosmopolite, de multiculturalité, mais c'est sûr que Kerugem est un quartier où on peut croiser quasi toutes les nationalités qu'on peut croiser dans le monde. Et l'autre balade, c'est un peu justement découvrir tout ce métier des garagistes, toute cette activité d'exportation de véhicules d'occasion, et aussi le point d'interrogation, quid si tous ces garages déménagent, que deviendra le quartier ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre avenir pour le quartier que le déménagement des garagistes ? Et donc, bah voilà, si vous voulez participer à ces balades, qui dureront environ 2 heures, il faut vous inscrire. Alors, l'adresse pour s'inscrire aux balades, c'est planopener at... Ah oui, je ne sais plus exactement. En tout cas, je pense qu'on peut se fier aussi au site du Cinéma Nova, donc nova-cinéma.org, oui, parce que là, on trouve le programme complet. Tout à fait. Tout à fait. Hans, c'est très bien. Okay. Voilà. Alors l'adresse, c'est la même adresse. Ah, ça y est. pleinopener@nova-cinema.org. Voilà, tout simplement. Voilà. Et alors, j'ai vu qu'il y avait aussi un atelier qui aura lieu. Donc c'est pour les enfants, ça, en fait, samedi. Non, c'est un atelier familial. Puisque ces garagistes-là vont déménager, on voulait au moins garder la trace de leur activité sous la halle. Et donc, on a contacté un collectif d'artistes qui est dans le quartier depuis plusieurs années, qui est installé au collectif au quai, aussi le long du canal, et qui vont animer un atelier de fresques sur un des murs de la halle. Et la fresque, l'idée, c'est que la fresque évoque l'activité des garagistes. Donc même quand ils auront déménagé, ben, la fresque, elle, restera sous la halle. Ben, espérons. Enfin, ça, évidemment, on ne peut pas... Mais en fait, ils ne vont pas la démolir, la halle. Hein. Donc le projet du contrat de quartier n'est pas de démolir la halle, ils vont rénover la halle et installer en dessous un jardin d'hiver. Bon, après, les espaces publics dans le quartier, on en manque. Donc, pour les habitants, ça a du sens. La question, c'est plus dans la manière. Est-ce qu'il faut exproprier pour autant ? Puis moi, ce que je suis étonné, c'est que c'est tout à fait le long du canal. Donc, a priori, comme ça, moi, je ne dirais pas que c'est un lieu vraiment de passage, enfin, pour des familles, etc. Mais bon, soit. Il y a tout le projet canal, déjà. Oui, il y a, voilà, il y a des visions... qui ne sont pas les nôtres, mais qui prévoient bien de changer de population, de changer de quartier. Mais nous, on ne veut pas changer de population, parce qu'on a invité aussi Baba Sissoko pour jouer donc samedi. Et lui, donc, il est de la culture des griots. Il sait tout jouer, en fait, c'est un multi-instrumentiste. Et il sera donc le samedi à 20h. Et il vient d'Italie. Et mais bon, parce que pour l'instant, il habite en Italie. Et je crois que tu as le morceau, Serge. Le morceau de Baba Sissoko, Doggy Doggy, je crois. Oui, j'ai ça, ouais. Ben voilà. J'ai ça. Donc, il va jouer samedi. Et donc, ah oui, peut-être qu'on a oublié de préciser, tout est gratos, sauf la bouffe et les boissons. Mais donc, vous pouvez venir, tout est gratuit. Il y a juste les balades où il faut s'inscrire. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et est-ce qu'on lance On lance. Allez, youhou! Oh, Voilà, nous sommes de retour. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la programmation. Ouais. Ah, oui, on n'a pas parlé encore du dernier film. Il y avait Coco Monsieur Poulet, Cocorico Monsieur Poulet. Important. Alors ça, c'est un film de Jean Rouch. Donc ça, c'est fin des années 70, je pense. Et donc, il va suivre un vendeur de poulets. Qui essaie de monter son commerce de poulets, en fait. En fait, il a une voiture, mais c'est une drôle de... Citroën. Alors, oui, c'est une drôle de chevaux, parce qu'il faut freiner avec... pour laquelle le frein à main, c'est avec un caillou. Pour freiner, il faut freiner avec son pied sur le pneu. Tout est comme ça. D'ailleurs, dans le film, c'est génial. On les voit traverser deux fois le fleuve en démontant toute la bagnole. En fait, c'est eux qui poussent la voiture et pas la voiture qui les porte. Et en fait, Jean Rouch, lui, il savait pas très bien à quoi il s'engageait. Et il a suivi ces deux comédiens. Et ils vont vivre des aventures en cherchant tout le temps des poulets qu'ils ne vont jamais trouver. Enfin, si, peut-être qu'ils vont en trouver l'un ou l'autre. Ça, c'est un spoiler aussi. Hein. Ouais. Mais je ne sais plus, en fait, je ne l'ai plus bien vu. Enfin, ce n'est pas tellement ça l'important. C'est Nicole qui va nous raconter la suite. Il y a très longtemps. Micro, Nicole. Je l'ai vu il y a très très longtemps, mais j'étais fascinée par ce film. C'est pour ça que j'ai connu Jean Rouch. Donc, tu vas venir le voir. Et en plus, il va être, aussi en pellicule, non? Alors là, mais ça on ne se rend pas compte, la saga aujourd'hui pour rechercher les copies de films. Donc on a demandé, c'est au CNRS en fait qu'on a dû s'adresser, parce que finalement c'est considéré comme un film anthropologique, etc. Donc on a dû s'adresser au CNRS à Paris pour obtenir la copie. Au départ c'est un film 16 mm, mais là ce qu'on on a obtenu c'est une copie 35 mm. Mais on a cru pendant un mois qu'on ne l'aurait jamais, et ça vient de se débloquer il y a juste 5 jours. Donc, on sait depuis 5 jours. Oui. Qu'on aurait la bobine 35 de Jean Rouch. Là, on était confiants, donc on avait mis sur le programme papier comme quoi on avait la pellicule, et on pensait aussi qu'on aurait Blues Brothers, mais malheureusement, Blues Brothers, ce sera en Blu-ray Brothers. Puisqu'on n'a pas réussi à trouver une copie. Alors c'est étonnant aussi, parce que par exemple, c'est un film qui a été fortement distribué, c'est sûr, hein, Blues Brothers, tout le monde l'a vu, etc. Et bien pourtant, ils en ont brûlé des tonnes, plein de copies. Donc en fait, il ne reste plus que dans les archives. Et évidemment, les archives, ils ne veulent pas les sortir, parce que les archives, ça reste là où c'est. Et donc, mais vous pouvez avoir le DCP, oui, mais on ne va pas sortir une machine DCP. Nous, on veut sortir notre projecteur 35 mm. Donc on ne l'a pas eu, donc on va sortir notre lecteur de Blu-ray. Ça sera très bien quand même. Il y aura aussi le petit court-métrage Kin. Pour Kinshasa. Oui, et ça, c'est en pellicule d'ailleurs qu'on va la voir. Qui sera aussi en 35 mm, 2 euros Babel. Oui, donc ça, c'est une assoce qui est à Forêt et qui a fait un petit film. C'est un film collectif, et c'est sur justement la vie de nouveau des voitures. Enfin, parce que c'est la vie à Kinshasa, la vie de la débrouille à Kinshasa, dont la vie d'une voiture. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est fait en canette. Alors, il y a des canettes de Jupiler ou de Frontier. Toute l'animation est faite à partir des morceaux de canette. En fil de fer et de canette, etc. Et c'est très beau, c'est pas mal du tout. La débrouille, c'est un art quinois. Ah oui, c'est un beau jeu de mots. Pékinois. Pékinois. Mais donc, nous devions, par rapport au week-end à Herman de Brou, pour ceux qui disent « Ouh, c'est loin, Herman de Brou, etc. » Oui, on peut dire ça, mais bon, donc il y a la station de métro Herman de Brou, et on a prévu une navette qui ira de la station de métro jusqu'au lieu-dit du plein open air, à l'aller et au retour, jusqu'à l'heure du dernier bus de nuit. Donc, une fois que les métros sont... Il y a le bus de nuit et une navette qui vous amènera jusqu'à l'arrêt. En question. Oui, d'ailleurs, donc ce sera, je pense, jusqu'à 1h20, donc il y aura encore des Noctis. Et alors, ça c'est le grand luxe. Mais en plus, donc, je vous propose d'entendre, pour terminer, ou alors il y a encore des choses à dire, la bande-son d'un court-métrage qui va passer donc, en dessous le viaduc samedi, qui s'appelle Le Métro en Folie. Ça tombe bien, parce qu'on vient de parler du métro. Ah bon. C'est merveilleux. Quel enchaînement. Bravo, on se courait à la radio. Professionnel. À l'occasion de la fête Saint-Nicolas, les grands magasins du bon marché sont fiers de vous accueillir à bord du métro en folie, qui va vous conduire jusqu'à Saint-Nicolas. Attention, attention, dans quelques minutes, le métro en folie va démarrer. Andacht, andacht. De dans le métro, hard vertrek. À l'avant, vous apercevez le conducteur qui va piloter le métro en folie. Voran, bemerkejuli de conducteur. Hezalde dans le métro posture. Dans quelques instants, le métro en folie où vous avez pris place va démarrer. Nous vous invitons à bien rester assis pendant tout le trajet, car vous êtes à bord d'un métro tout à fait spécial, qui va vous emmener dans la grande forêt où Saint-Nicolas vous attend. Noch enkele Augenblicke, en de dolle métro waar jullie inzitten gaat vertrekken. Wij verzoeken jullie goed op jullie plaats te blijven de ganse rit door. Jullie zitten immers in een ganz bijzondere metro. En die zal jullie in een groot bos voeren. En daar wacht Sint-Niklaas. Les grands magasins du bon marché sont fiers de vous accueillir à bord du métro en folie. De bon marché winkels zijn blij jullie te ontvangen aan boord van de dolle métro. Attention, attention. Le métro en folie va démarrer dans quelques secondes. Monsieur le conducteur, il est l'heure. Het is tijd. Monsieur le conducteur, à votre poste, s'il vous plaît. Meneer de conducteur, op poste, alsjeblieft. Thank you. C'était une très chouette émission, je trouve, en discutant du plan open air. Notre clébard de service, notamment l'anarchiste ordinaire, a encore un morceau à passer. Un morceau un peu moderne, quand même, de Jack Lee McLean's. John McLaughlin. Et tu sais ce que non, c'est non, John. Ah, non. C'est le troisième morceau, attends. Ouais, c'est Johnny Mac... allez, je vais pas... Ouais, McLean. Tiens, Johnny McLean's. Ah non, j'ai mal compris alors. Don't blame me. Voilà, allez, c'est parti. John McLaughlin, c'est pour dans 2 ans. Tu dois attendre 2 ans. Allez, on y va. Floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Then I awoke. Voir mesdames, messieurs, les demoiselles et les petits chiens. Et n'oubliez pas de faire pisser votre chien sous le viaduc au plein air polaire dans 2 semaines. Non, c'est 1 semaine, c'est ça. Ce sera 24 et 25. Voilà. Et n'oubliez pas les chiens et les chiennes et tutti quanti. Ben voilà, et bonne soirée aussi à Claire et Fabien qui sont venus nous en parler et enthousiasmer. Voilà, de toute façon, moi, je suis très enthousiaste de venir. Donc voilà. Et nous comptons de venir parler chez vous. Et si vous voulez un petit souvenir, vous pouvez prendre votre t-shirt. Je crois que ce sera le 1er septembre, samedi 1er septembre. Il y aura Titom qui va venir avec ses cadres pour faire de la sérigraphie, pas facile à dire ça, sérigraphie sur votre t-shirt ou autre tissu. Voilà. 1er septembre. C'est ça, le c'est samedi 1er, c'est la, le Il y a vendredi dernier jour 31 du plein du 8 et samedi 1er. Oui, c'est bientôt la rentrée. Et oui, ce sera déjà le 1er septembre, samedi. Ok, merci. Salut. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Oh, ouais.